T'as le sens comme les gens, comme les gens, comme les gens. On veut rentrer dans la maison, dans la maison, dans la maison. T'as le sens comme les gens, comme les gens, comme les gens. Laissez-moi dans ma matrice, au monde triste. En colère, les pneus crisent. J'en fume un gros bien chargé avec poteau brise. Rigole avec quelqu'un deux semaines, après il prend la confiance. Va falloir lui niquer sa mère, car ce bâtard, c'est pas comme on pense. J'fais pas le tag. Steve, Steve, tu trahis l'équipage. Tu vas chialer ta mère, car pour toi y'a plus des gangs qui bougent. La rage me bouffe, j'ai connu le gouffre et maintenant j'veux voir Hollywood. En attendant, j'fais des wheeling et le soir j'suis les weed dans le hood. Dans le dos, ouais, ils font tout dans le dos. Tu m'emboucanes et toi, tes blabla, j'pas le temps. Mets-toi le doigt et cale-toi, j'parle pas. J'fais les choses carrées, pas comme n'importe qui. Ils diront que j'ai rien fait pour eux, toi même tu sais c'est n'importe quoi. La team attend, écrive, veulent arracher le kabuki. Si la scène serait plus grande, tu serais rentré en Kawasaki. Mais tu vas Kalashki. Toi t'es le genre de mec qui aime la neige, mais qui va pas au ski. Tu camoufles avec coca whisky. J'aime pas ce qui brise tes rêves. J'aime pas ce qui t'interroge, ces fils de ils attendent que t'es raide. Discret comme un voyou, parano comme le chapeau. Je vis comme si voulait ma peau, tu pourras me croiser, perruque chapeau. Des épées sur le drapeau. Pour ceux qui tiennent la sacoche, pour ceux qui lâchent, qui s'accrochent. Pour ceux qui sur les tacrachent, je t'ai vu me lâcher, je t'ai vu te mélanger. Perso, je suis bien solo, j'ai des habits, j'ai de quoi manger. Je t'ai vu m'ignorer, mais c'est rien, j'ai déjà oublié. Je t'en veux pas, mais maintenant, frérot, c'est chacun sa vie. Il me boy fait parce que j'ai pris de l'âge. Des fois, je laisse passer des petites actions de merde, mais c'est rien, je les laisse croire. Je vous répète, ça touche à la famille, ça pète l'équipe. Moi, je nique ma vie, même plus je vous laisse boire. Bref, je crois que je vais m'acheter un cross. J'ai fait un bandit avec ma veste Yamaha. Des roues arrière en démarrage, j'ai fait 6 mois au lycée. De la pierre, je démolissais. Entre temps, je traînais au quartier, je m'embrouille avec des policiers. Y'a trop d'alcool ici, sans pas bon ambiance bagarre. Ça monte en commande. Des poteaux s'embrouillent à la gare. Lève le scooter à la place. Essaye de faire un tour. D'autres touchent le ballon et font des tours du monde. D'autres arrivent au quartier, se croient au grand tour du Mans. Il fait froid, piégé, les figés comme des monuments. Énervé absolument, je vais te péter tes jolies dents. Ils sont chauds les temps, l'État veulent nous mettre dedans. Toc toc toc toc, oui c'est la bac. Le chien retrouve même les boulettes. Au sol j'ai vu le schmitt dire à mon pote, toi c'est lui nous beau maître. Maladé où, je vois le petit escaladé où. Au quartier ça se démerde seul, gros c'est la dé où. Là je suis un Gigi, je fais le single comme Andy à Manchester City. Si t'es manqué un point c'est tout, pour moi t'es plus pareil. La vie c'est comme une loque, faut savoir rendre l'appareil. Je suis à Marseille, y'a le soleil, y'a les nanas, y'a les problèmes, y'a les mamas. T'm'en pas avec le petit, il est perché dans sa mama. Il voit plus ses potes que sa mamie. Terre, fréquentation la rue, il s'est retrouvé à fumer. Il s'est retrouvé bloqué comme une momie. J'ai changé, négatif, ça veut même ton blague à dire. Faites gaffe les gens c'est des loups, c'est ce que ma maman dit. Trop de gens qui changent un jour ou l'autre. À savoir ce qu'ils sont mis dans la tête, souvent les mêmes qu'on retrouve bourrés à l'aube. Les années passent, les équipes divisent, tu te retrouves dans le bis. C'est qu'il faut avoir du vice, à l'hôtel Ibis, en état d'ivresse. Fais le max t'agresse, c'est comme ça dans ma tête. Pas de tournage de veste, quand le mec a bon cœur. Et que c'est pas un traître, et que c'est pas un traître. Et que c'est pas un traître, et que c'est pas un traître. On dit que je suis généreux, on dit que j'en ai gilet rat. On dit que je suis resté le même, malgré les ragots, les galères. J'ai réussi. Et de mon quartier je suis résident. À dire que sur YouTube je touche plus de sous que monsieur le président. J'étais très hésitant à faire des interviews, à parler de ma vie. Tout ça pour des vues, tout ça pour des vues. Qui m'aime pas, vas-y devine. Les mêmes qui me font la bise, qui achètent pas mes CD et qui me font du vice. Me crois dans V-City, Marseille c'est la rue, ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça recharge en voiture, menace tous au city. Des fois tu donnes mais tu reprends pas. C'est comme ça, c'est la vie, faut faire avec. Ça donne pour un chèque ou pour pas faire ta schneck. Et shake. Un jour je vais m'envoler, j'espère faire les étoiles pour revoir tous les êtres chers qu'on m'a volé. Marseille c'est zone à risque, à dire que tu pistes par le fisc. Je fais des excès de vitesse, mon permis on me le confie. 30 sur la quête, les deux doigts pour le pet. Au quartier c'est pas la fête, on veut faire cracher les compètes. Parle pas de moi si tu veux pas que j'apparaisse. Crise au check mec. Thank you.